Donc, le projet, c'est de réhabiliter un bâtiment pour qu'il y ait 8 personnes en habitat collectif qui résident en résidence principale. On a du coup acheté on est en bail amphithéotique, je sais pas si on a intérêt, bon, on est en bail amphithéotique, passé avec la mairie de 99 ans. Le bâtiment est menacé sur certains endroits de s'effondrer. Enfin, il était en train de vraiment être pris par des dégâts des eaux, il y avait des problèmes dans la toiture, etc. Et nous, on y a vu une opportunité pour pouvoir créer des logements. L'idée, c'était... La bâtisse est assez particulière d'un point de vue architectural, parce qu'il n'y a que des grandes pièces, avec au final peu d'ouverture. Les pièces font en gros entre 5 mètres par 6 ou un truc comme ça, avec 2 ouvertures, et on ne peut pas redécouper les espaces à l'intérieur, parce que sinon ça ferait des espaces aveugles. Donc il a fallu trouver un plan architectural dans lequel on puisse ne pas trop bouger ces grands volumes. Donc, en fait, on a gardé ces grands volumes tels quels. L'idée, c'était de se projeter dans une... Chacun se projeter dans une des grandes pièces et d'avoir des grandes pièces en commun. Après, il y en a qui sont subdivisées, non ? Dans le plan, vous, par exemple, avec Julien, vous avez une... Nous, la part... Cloisonné, quand même. Il va être cloisonné. Et puis, il y a des petites cloisons pour salle de bain dans les autres espaces. Mais non, le seul espace qui est vraiment... cloisonné, qui est liquide, T1 va devenir un T3. Ouais, je pense. C'est ça. Okay. Mais sinon, les autres, les T1 restent des T1, quoi. Ouais, il y aura juste une pièce fermée qui sera la salle de bain, qui du coup pas forcément besoin de fenêtres. Mais sinon, ça va rester une grande pièce ouverte pour tout le monde, quoi. Parce que tout simplement, il n'y avait pas forcément la possibilité. Enfin, parce qu'on s'est adapté à l'existant, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de pièces qui n'ont qu'une fenêtre. Et du coup, qui n'avait pas forcément la possibilité de subdiviser. Ok. Donc le but, c'est globalement... À la base, il y avait quoi? Il y avait 800 mètres carrés à peu près, c'est ça? Ouais, un petit peu moins. Là, on réhabilite une partie des combles. Donc il y avait, on va dire, 700. Il y avait 700, vous créez 100 mètres carrés. Ouais. Et ensuite, vous faites que de la scène... Enfin, que... Pardon. Ils sont là depuis un an. Vous faites de l'assainissement de... la rénovation énergétique, ouais. Et il y a un doublage ça, de tous les murs périphériques, ouais. Et vous disiez aussi tout ce qui est plomberie, menuiserie, menuiserie. En gros, on a architecturalement restructuré une partie des plateaux qui étaient en train de s'effondrer. Donc ça fait au moins 3 ou 4 plateaux sur lesquels on a dû renforcer, refaire du solivage, recréer du plancher. Une fois qu'on a fait ça, on a du coup, recréer tout le réseau d'assainissement puisqu'il n'était pas aux normes. Et une fois qu'on a fait ça, on a globalement cassé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On est reparti des murs porteurs. Et on reste à peu près comme ça, quoi, avec quelques cloisons près. Et du coup, il n'y avait pas d'eau à ce moment-là. Ah si, il y avait un tout petit peu d'eau. Il n'y avait qu'une pièce où il y avait un robinet, mais sur les 18, quoi. C'est l'atelier ? Non, c'était la chambre de tété. Et en fait, c'était une chambre qui était habilitée avec cet endroit-là où il y avait de l'eau. Donc, en fait, on a défait tout le réseau d'eau, on a défait tout le réseau d'électricité parce qu'il était très ancien. On a défait le peu de réseau d'assainissement qu'il y avait. En fait, il y avait une pièce qui avait été réhabilitée dans les années 70 à peu près pour que, j'en sais rien, mais un gars de... du KT puisse loger à l'intérieur. Okay. Mais il n'y a que lui qui a vécu dans les 50 dernières années, quoi. Ok. Donc en fait, et il avait réhabilité une seule pièce. Et historiquement, le bâtiment, ça a été quoi C'est passé. Il y a eu pas mal de vie dans le bâtiment, mais avant, c'était une maison pour gouverneur, vicomte, etc. Du coin. Grande maison bourgeoise, il nous disait, l'archi du patrimoine, que c'était forcément des gens très riches parce que ce taille d'ouverture à l'époque, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Et puis, il y avait des fresques peintes au mur, etc. Au, aux poutres, etc. Ouais. Et après, ça a été une école religieuse à un moment donné. Ça a été plus récemment l'association de gym et danse de Saint-Marcellin qui l'a occupé. À un moment, c'était dans les pièces du haut, je crois. Ah ouais, ouais, parce que la part d'où je vis, moi, là, il y avait un compteur avec, qui était utilisé. Et puis après, ça a été, toi, ta chambre, c'était le vestiaire. Ouais. Après, ça a été dans l'atelier. Donc, voilà, il y a une asso de ciné aussi qui faisait des projections. Enfin, il y a eu plusieurs vies, mais le gros, je crois que c'est l'école religieuse et. Et le gouverneur. Et, alors, ça, les gouverneurs et tout, c'était vraiment à l'époque. Mais sur le 20e, en tout cas. Au moment de la construction, quoi. C'est ça, c'est école religieuse et associative. Il est daté de quand, à peu près, je ne sais plus. J'ai pris une 14, après du... En gros, je crois que c'est 14e siècle, les premières fondations. Ouais. Et après, il y a une grosse réhabilitation au 17e, où là, ça prend la forme architecturale semi-définitive. Quoi. Au 14e, ça devait être une plus petite bâtisse que ça. Au 17e, ils ont vraiment créé la grosse. Et, le 20e, les salles annexes. Et ouais, c'est peut-être plutôt du 20e, les deux salles annexes. Ouais. Ok. Et pour finir sur la partie complète, vous, du coup, on est d'accord, vous êtes parti sur une déclaration préalable, il n'y avait pas plus de travaux, enfin, il n'y avait pas besoin de... Vous n'avez pas créé plus de surface que ça. Non. Bah, finalement, vous avez créé 100 mètres carrés de surface quand même, ça c'est... Non, parce que... Enfin, en fait, on a réexploité des combles qui étaient déjà... en fait, tout bâtiment était en bâtiment résidentiel, les plateaux étaient déjà existants, c'est juste que nous, on va les habiliter... Ok, donc il n'y a pas vraiment de création de surface. Il n'y a pas vraiment de création de surface. Donc vous êtes en droit de passer par une DP. Ouais. Et vous êtes passé donc par l'archi du patrimoine. Et du coup, comme on est dans une zone classée, le bâtiment n'est pas classé, mais la zone est classée. Du coup, on avait obligation de passer par l'architecte du bâtiment de France pour pouvoir qui a prévalidé notre dossier en fait, avec laquelle on a fait des visites sur le chantier préalable à la déclaration pour qu'on voit un petit peu. Ce qui était possible de faire, de ne pas faire, et qu'on monte le dossier ensemble, quoi. Donc on a eu, je crois que je lui ai envoyé un dossier, elle a fait un retour en perso, puis j'ai déposé le dossier officiellement, et après elle a fait le retour officiel, quoi. Ok. Bon. Donc ouais, non. Et là, elle est obtenue, purgée. Ouais. Ok, sur la partie autoconstruction, vous, qu'est-ce qui vous a fait décider en fait de partir sur l'autoconstruction? Ça a été quoi les leviers globalement, c'est quoi les raisons en fait? Bah, la raison numéro un, c'est financière, je pense. Et la raison numéro deux, c'est on avait une envie aussi d'être notre maître d'œuvre et que. Moi j'étais chaud de le faire, mon frère avait fait sa maîtrise d'œuvre, mon père avait rénové sa maison en maître d'œuvre aussi, ils sont passés par archi. Et du coup pour moi c'était comme ça qu'il fallait faire quoi. Du coup, c'est une tradition familiale un peu dans ouais, le sens où... pense, ouais. Du coup moi je voyais pas, j'avais pas forcément envie d'avoir un archi qui fasse ce boulot là. Et en plus ça allait bien avec le fait que... qu'on avait difficilement les moyens de payer un archi sur toute la réno. En fait, il fallait que ces deux conditions existent, c'est-à-dire il fallait qu'on se sente capable de faire la maîtrise d'œuvre et qu'on n'ait pas les moyens de le faire de passer par un archi pour que ça marche le projet, quoi. Après l'autoconstruction, ça peut être aussi sur la partie travaux, c'est la partie conception. En fait. Oui, c'est valable pour les deux. C'est pas que la maîtrise d'œuvre, c'est aussi le fait de réaliser. Ouais. Faire nous-mêmes les trucs, c'est et financier et il y avait pas de temps. Mais ouais, en fait, le projet, nous, c'est une opportunité qui est arrivée au moment où ça faisait déjà un petit moment qu'on n'arrivait pas à trouver une bâtisse qui irait pour nous tous. Et en fait, le bâtiment est beaucoup plus grand que ce qu'on avait espéré à la base. Et du coup, le fait que le bâtiment soit aussi grand fait que de toute façon, il fallait trouver toutes les sources d'économie possibles. Tout est multiplié par le nombre de mètres carrés. Et du coup, ça nous a contraints à beaucoup plus choisir l'autoconstruction que la construction. Enfin, que la construction via artisan. Et du coup, même dès que les charpentiers ont commencé à travailler, dès qu'on a vu comment ils avaient fait, on s'est dit, ça, on ne va pas leur faire faire et on va le faire, quoi. Parce qu'une fois qu'on avait vu, on voyait que c'était possible de le faire et Et je pense que si on n'avait pas une aussi forte contrainte financière, on aurait pu un peu s'affranchir de certains postes pour qu'on puisse avancer soit plus vite, soit différemment, quoi. Et quel poste, du coup? C'est une question que j'avais gardée pour un peu plus tard, mais finalement, c'est important, en fait, parce que j'étudie aussi l'esthétique de construction, et en fait, il y a une architecture qui va être un peu différente d'une construction classique, parce que justement, c'est pas les mêmes postes, souvent, c'est surtout sur ce qui est revêtement, il n'y a pas les mêmes finitions, il n'y a pas les mêmes choses que sur une architecture plus conventionnelle, on va dire. Vous, c'est quel poste que vous avez, sur lesquels vous avez fait l'économie déjà de 1 et les autres sur lesquels vous aviez envie de travailler avec vos mains, quoi. J'en sais rien, mais par exemple le réseau souterrain de l'assainissement, ça c'est de la pure économie. Ouais. Alors ça sera pas d'esthétique par beaucoup, parce que ça c'est forcément rebouché et recouvert. Donc, la démol aussi, j'imagine. La démol, ça c'était évident qu'on le faisait. Où est-ce qu'on s'est dit qu'on allait. En fait, on s'est dit que tout ce qu'on peut pas faire, on le fait faire. Donc, tout ce qui est structurel, on voulait le faire parce que ça nous faisait peur. Mais du coup, sur quelques éléments, au final, on a fait une. Oui, parce que ce matin, vous faisiez de la maçonnerie finalement. Ouais, sous œuvre. Ouais, mais sur un tout petit truc. Ouais, sur un petit truc, tu vois. Tu vois, on avait plusieurs réouvertures à faire. Enfin, une ouverture vraiment d'un mètre de profondeur sur 2,30 m. Ça, on ne le sentait pas de le faire dans un mur porteur. Par contre, donc on passe par des artisans. Par contre, il y a une petite fenêtre qu'on a pu rouvrir parce que c'était juste rebouché en moellon. Donc on va la refaire parce que ça fait pas peur, on n'a pas de problème de dessinage non plus. Il y a déjà le pré-linto, il y a le linto précédent, c'est vraiment, c'est pas vraiment de la maçonnerie ce qu'on fait. Enfin, c'est pas une vraie ouverture, quoi. Et du coup, ce qui vous faisait peur au début, même si vous avez plus peur maintenant, c'est par rapport à la décennale, du coup, ou c'est par rapport à vos capacités d'y arriver, quoi. Le changement des menuiseries, c'est et la décennale. Et le fait que ce soit correctement fait, qui fait qu'on voulait passer par un menuisier, et le fait que ce soit subventionné. Mais dans tous les cas, c'est un poste qu'on, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si on devait refaire nos fenêtres, enfin faire nos fenêtres nous-mêmes, ou poser nos fenêtres nous-mêmes plutôt. Mais parce que les faire, pour le coup, ça n'a jamais été envisagé. Non. Il faut l'atelier, il faut le matin. Qui nous a proposé de « Oh, mais c'est facile à faire, vous inquiétez pas, ça se fait bien. » Mais Z voulait être méga chaud de faire toutes les fenêtres. Et en fait, en y réfléchissant, on se disait que c'était de les poser, ouais. Et on se disait que d'un point de vue et décennal et efficacité énergétique, si tu laisses un trou que tu n'étanches pas correctement, ouais. Ça te pose un peu mal, etc., ça allait être vraiment un gros casse-pipe. Ah, mais la décennale a fait partie de la décision. Parce qu'on est garanti sur la bonne mise en œuvre de notre. Oui, mais tu vois, genre, par exemple, on a fait un renfort structurel d'une grosse ouverture existante entre la salle à manger et la cuisine. Et ça a été fait avec l'expertise du frère de J qui fait le métier, qui a la structure. Et avec un copain à nous qui a une grosse expérience de maçonnerie, et du coup, ce truc-là, on l'a fait parce que c'était beaucoup moins cher nous-mêmes, appuyé mais pas assuré. Ouais, voilà, ouais. Sans aucune assurance légale, on n'a pas pris de dommage ouvrage, tu vois, genre, moi, de après, ce que j'avais vu... La dommage ouvrage, c'est vraiment un complément de décennale, ça va ensemble, donc si t'as pas de décennale, que t'aies pris la dommage ouvrage ou non, ça change rien, c'est juste pour être remboursé plus rapidement. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop réfléchi le projet en termes assurantiels depuis le début, quoi. Ok. Notamment parce que moi, on s'y était un peu intéressé avant d'attaquer, dans les livres d'autoconstruction, le truc comme la maison écolo, là, il disait, en soi, quand tu rénoves toi-même, il faut que tu t'engages à vendre après 10 ans. Quoi. Oui. Parce que tout ce que tu peux trouver en assurance, ça, franchement, Il n'y a rien qui est vraiment sérieux, qui va te couvrir, quoi. Tu vas juste payer monstre cher un truc qui va pas forcément te couvrir. Donc la solution, c'est juste d'attendre 10 ans. Bah eux, ils disaient ça. Clairement, ils disaient il n'y a pas de bonne solution sur l'autoconstruction en termes d'assurantiel, à part attendre 10 ans pour revendre. Enfin, moi, c'est ce que j'avais dit. Et tout ce qui est sécurité et compagnie, vous êtes penché là-dessus? Parce que, par exemple, il y a eu les balcons d'Angers. Vous savez, les balcons qui se sont effondrés à Angers, ça a eu lieu 30 ans après le... 30 ans après le... Enfin, moins de 30 ans après la construction, l'archive, il était déjà à la retraite. Ouais. Et il a quand même été inculpé. Ouais. Parce qu'à partir du moment où ça passe au pénal, l'ordre décennal ou pas, il y a une question assurantielle quand même. Et ton assurance, son assurance l'a couverte en partie. Après, je crois que, je ne sais pas en termes de prison ferme, ce qui lui est arrivé ou quoi que ce soit. Parce que c'est un vieux monsieur maintenant, je ne sais pas où il en est. Mais n'empêche que il n'y a pas que... le fait d'être remboursé si jamais il y a un sinistre d'étanchéité ou quoi que ce soit, il y a aussi l'aspect sécurité, quoi. Ouais. Ça, vous avez posé la question? Non, pas plus que ça. Non, parce que en fait, dès le début, on s'est dit si on doit le faire dans les règles, ça va être, ça sera impossible. Mm. Si on doit tout sécuriser correctement, ça va être, moi, je vois pas comment on aurait pu s'en sortir, quoi. Du coup, on a éliminé la question. Ouais, puis je pense qu'on l'applique pas à nos vies d'une manière générale, pour tout le reste, en fait. Du coup, il n'y avait pas de raison de le faire plus pour ça, d'être parfaitement dans les clous en prenant le principe des précautions au max, etc. Pour moi, ça fait partie de la même logique de, si tu veux tout le temps coller à absolument la loi, aux assurances, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez commun à tout le paysage de l'éco-construction globalement. Ouais. C'est un truc qui est un peu l'éco-construction. Enfin, là, les artisans, il n'y en a pas un qui a le casque. Enfin, tu vois, les types avancent, quoi. Enfin, il y a un moment où, si tu veux coller aux normes, tu t'en sors pas, quoi. Les charpentiers le disaient, on ne respecte aucune règle de hauteur, enfin, de tout ce qui est. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas que nous, quoi. C'est, mais c'est tout le bâtiment. C'est tout le bâtiment, c'est même tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Sauf les bureaucrates qui essayent d'éviter les centaines de morts sur les chantiers l'année, quoi. Non, mais voilà. Bah, en fait, pour moi, les normes, elles sont respectées en ville sur des gros bâtiments. Mm. Mais dans l'artisanat du quotidien, pour les maisons individuelles, pas forcément. C'est rare. Hein. Mais même les grosses boîtes. Si, genre en mode de désamiantage, tu vois, ces boîtes-là, elles font tout dans les normes. Justement, parce que ça leur permet de gonfler leurs chiffres, parce que. Ils font ça de manière normée. Le désavantage, ça coûte une fortune et ils le savent très bien. Et du coup, ils facturent l'Adjeco qui prend. C'est gigantesque, mais bon, je pense que c'est un cas particulier des désavantages. C'est bien, on aborde un peu tous les sujets, pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas grave. Si, mais c'est bien, parce qu'au moins c'est fluide. Enfin, c'est important que ça découle l'un de l'autre. On a parlé à un moment donné d'informations. Globalement, j'ai entendu la maison écolo. Ça a été quoi un peu pour vous l'accès à l'information globalement? Qui vous a donné les infos? Où est-ce que vous avez été chercher les infos? Je parle d'acteurs de la construction, je parle de sites internet, je parle de médias, de... En vrai, il y a beaucoup. C'est une chaîne YouTube, pas de sens, il y a des millions. Mais pourquoi pas? Il y a beaucoup de sources d'informations différentes. Franchement, dès le début, vous étiez allé dans un salon de... Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelait? C'était... À Saint-Thé, non? Ouais, à Saint-Thé. Ça faisait partie de... un salon de la construction et de l'éco-construction, un truc comme ça. Pour les privés? C'est plus large que ça. Pour les plus large, c'était vraiment sur toute la démarche environnementale, sur... Je pense que c'est un petit prime d'air, Stéphane. Ouais, c'est ça. Prime d'air, c'est le gros salon à Lyon sur... l'alternative, je connais même pas. Honnêtement, du coup, pas trop le truc. Ce genre de salon. C'est un bâtiment. Ok. Ouais. On a ce salon-là, par exemple. On a acheté beaucoup de maisons. Ça s'appelle Maison Écolo, les magazines? La Maison Écologique. C'est un peu une référence. Donc, ça, avant qu'on démarre le chantier, au moment où on a essayé de choisir. Ça s'appelle Tatou Juste. Ça, c'est la chaîne de Saint-Étienne. Le salon Saint-Étienne. On avait, Zed, il avait commandé tout un tas de maisons écolo sur des postes particuliers où soit on avait déjà pensé faire ce type de rénovation, soit c'était pour nous aider à faire notre choix. Donc il y avait ça. On a des amis, on a beaucoup parlé, on a commencé le projet en discutant avec le beau-frère de Z qui est archi. Du coup, mon frère qui est ingé structure et qui avait refait sa maison, qui a fait de l'autoconstruction pour une bonne partie sur sa propre maison. Du coup, on a le paysage familial qui nous a accompagné là aussi. On a des amis, un plombier, un électricien, des amis proches qui nous ont aidés là-dessus. On a Alliance 4 qui est du coup, qu'on nous a recommandé dans pas mal de coins, enfin plusieurs personnes qui sont revenues avec le fait que Alliance 4 propose des fiches méthodes. Ok, Alliance 4 c'est un fournisseur de matériaux écologiques à la Côte-Saint-André, ah ouais, juste à côté, qui fait une référence dans le coin. Ok, c'est local. Ou c'est assez local, ouais, mais du coup dans Rhône-Alpes, tout le monde connaît Alliance 4. Ouais. Ok. Et ils ont l'avantage d'avoir un site internet avec. Du coup, tu peux commander de la chaux, de l'argile, du chanvre, des tomates, des machins, tout ce qui est écolo. Et ils ont des fiches méthodes sur toute l'éco-construction à travers leurs matériaux, qui sont super bien faites. Donc les choix de matériaux ont été faits en fonction de enfin les techniques constructives et les choix de matériaux sont un peu pilotés par eux, en plus du réseau, je veux dire, parce que j'imagine que l'ingé et l'archi ont... Évidemment, il y a l'archi et il y a l'ingé. L'archi nous a proposé des solutions. L'ingé aussi était très... C'était un mec passionné. Du coup, lui, il accepte que des chantiers de rénovation de bâtiments anciens. Et donc, du coup, il avait beaucoup de propositions sur nos techniques de rénovation. C'est l'ingé fluide et thermique. Ouais. Et sur tout ce qui est institutionnel, je pense surtout aux aides. Bon, ma première offre, c'est... déjà, ma première offre, qui vous en a parlé en premier? Pour le micmac qu'on fait ou pour... Globalement, au moment où vous êtes dit on va regarder pour les aides, qu'est-ce que vous avez fait, ça a été quoi votre stratégie? En gros, ils nous ont dit nous on ne finance pas une SCI. Et au tout début, il y a la GEDEN qu'on était allé voir aussi. Ouais. Donc GEDEN, tu connais? Je connais vaguement, mais... La GEDEN, c'est une association qui aide à monter des dossiers en rénovation énergétique. Financée par l'État. Ouais. Donc c'est une délégation de services publics, comme ça. Et donc eux, on est allé les voir dès le début du chantier, enfin, dès le début des études, et ils nous ont dit, voilà, vu votre projet, vous pouvez taper à tel guichet, il y a telle aide qui correspond à tel besoin. Donc eux, ils nous avaient proposé déjà un éventail de subventions et de solutions, quoi. Oui, et après, on est dans un territoire OPA RU, opération de revitalisation urbaine, dans le cadre du centre-bourg Saint-Marcelin. Et dans ce cadre-là, on est accompagné par un AMO qui s'appelle Urbanis, qui est un cabinet, je crois, de... Ils sont gros, non? Ouais, ils sont énormes, en tout cas, ils ont un gros pôle à Grenoble. Et du coup, une délégation de services publics pour accompagner les maisons individuelles éco-propriétaires Saint-Marcelin pour faire de la réno. Et eux, ils nous ont fait un récapitulatif de toutes les aides auxquelles on avait droit, qui comprend les aides de l'OPA RU qui sont financées par la Comcom et par la ville de Saint-Marcelin, dont on bénéficie à hauteur de 40 000 euros si on ne fait pas la façade, 60 sinon. Okay. Et après, ils nous ont dit, voilà, il y a le département qui peut vous financer par rapport à votre périmètre de monuments historiques, etc. Au final, ça a sauté entre-temps et ils nous ont orienté pas vers ma prime rénov', parce que du coup, ils nous ont dit qu'on avait le droit à rien. Ma prime rénov', et c'est un autre habitat participatif qui nous a dit, ça marche. Après, en SCI, ça peut marcher aussi. J'ai fait des entretiens avec quelqu'un qui fait justement des montages juridiques. Il disait que globalement, SCI, c'est 1 sur 3 qui passe. Okay. Mais il faut savoir l'amener, en fait. Et lui, c'est justement son travail, c'est de faire des dossiers qui sont vendeurs pour une SCI et qui sont adaptés au langage interne de l'ANA, globalement. Oui. Parce que nous, l'ANA, c'est l'ANA directement. Et SCIA aussi, il fait SCIA, okay, qui est encore un format un peu diversifié et qui fonctionne assez bien. Mais c'est peut-être... Vous n'êtes pas forcément dans cette démarche-là après, parce que c'est un principe où chaque personne, c'est vrai que chaque personne au sein du projet est un peu plus indépendant, alors que vous êtes très collectif quand même. Bah, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on vend à la main, hein, c'est qu'on est indépendant. Voilà, oui, oui, oui. On est carrément dans le sens. Mais oui, nous, vous avez dit la SCI, ça ne passera pas. Donc, bon, du coup, on a changé de fusil d'épaule. Mais c'est Lana qui a dit non. Ouais. C'est la meuf de Lana qui a dit moi, ce projet, je ne le finance pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai. Ah oui, du coup, pour revenir sur les ressources documentaires, donc là, j'ai donné un petit peu pas mal de trucs, mais beaucoup YouTube, quoi. Enfin, ouais. Soit aussi. Ouais, Internet de recherche générale. Mais Internet de manière générale, beaucoup de recherches. Est-ce que vous vous sentez capable de. De faire des recherches par vous-même et d'avoir accès à des connaissances sûres, entre parenthèses, non ? Ouais, mais franchement, en fait, c'est surtout sur des petites. C'est une fois que tu as évalué ce que tu devais faire, j'en sais rien, mais tu sais que tu dois monter une contrecloison en placo, mais du coup, là, tu vas chercher comment monter une contrecloison en placo, quoi. Oui. Coup, et pour avoir l'idée d'une contrecloison en placo, là, il faut. Ouais, voilà, ça, c'était tout le travail précédent qui fait que, après, au quotidien, dans chaque tâche, si on a besoin, enfin tu tapes un tuto sur, t'as des tutos sur n'importe quel mais ça, on a jamais, enfin on a rarement regardé des vidéos globales sur l'assainissement de ton, tous les principes d'assainissement, savoir quel est le bon principe qui t'amène à la vidéo, creuser une tranchée et mettre un plimousse. Ouais, c'est ça. Ça, on l'a pas fait, quoi. On avait l'information avant pour pouvoir aller chercher juste le tuto de mise en œuvre de notre technique particulière. Ok, bah, c'est bien, je trouve que vous avez ratissé super large, quoi. Et aussi, l'avantage les artisans, les artisans qu'on sollicite et qu'on fait intervenir, on leur demande aussi conseil sur des trucs qu'on va faire nous-mêmes. Oui, oui, oui. Et ils sont pas à avoir de conseils, parce que des fois, enfin, vous allez faire intervenir, mais du coup, vous grappiller un peu sur leurs prestations aussi. Hein, Ouais. Bah, franchement, non, ils ont jamais été. Ils nous ont jamais dit oula, ça les gars, Ils n'ont pas été dissuasifs du tout. Ouais, ils ont bien compris, je pense, notre démarche et notre envie de vouloir faire le maximum nous-mêmes et de nous filer les billes nécessaires pour qu'on y arrive. Après, c'est peut-être un marché qui est un peu attrayant pour eux aussi, parce que c'est un peu hors sol, enfin un peu particulier, et du coup, ça leur fait une référence. Non, tu m'avais dit que la menuiserie du Royan, ils étaient. Ouais, bon, c'est ce qu'on pense, mais on n'en sait rien, que le prix est attractif parce que c'est un marché vitrine. Après, Charpentier, il croule sous le taf, donc lui, c'était plus que ça l'arrangeait qu'on donne la main parce que ça lui faisait moins de temps à libérer des gars sur le chantier et plus de chantiers à accepter, quoi, en gros. Ça, mais il est quand même très réactif et tout. Je sais pas s'il est sur tous les chantiers comme ça. Mais lui, je pense que aussi, il aime bien d'autres projets et c'est un mec qui est chaud. Et après, MRB, on leur parle, les maçons, on leur donne pas spécialement la main. Mais lui, tu leur demandes un conseil, ils te répondent. Les types sont gentils, quoi. Et puis, c'est pas les patrons, donc en fait, ils s'en foutent. C'est qu'ils ont peut-être du temps justement à donner. Ouais, mais là on parle de. C'est vraiment un conseil. C'est un petit conseil sur le pouce. Pas tant, enfin, typiquement avec le charpentier. Oui, le charpentier, il y avait une vraie reprise structurelle à faire. Et on lui a demandé comment faire. Et il nous a expliqué comment faire. Filer les bonnes vis qui allaient bien, ils sont allés les chercher à l'atelier en disant vous n'allez pas ces vis, non mais venez chez moi, prenez-les. Ouais, il a pris un vrai temps. C'est un truc qu'il aurait pu nous facturer, hein, clairement. Mm. Donc c'est pas juste une bricole, tu vois, il y a un vraiment structurel. Le charpentier, il nous a laissé faire pas mal de trucs en sachant que ça lui enlevait de la presta. Ça, en vrai, c'est un des points forts que je défends aussi dans le mémoire sur Lara, c'est que du coup, on décuple un petit peu, alors ça reste marginal, mais on pourrait décupler un petit peu l'effectif d'artisans, parce qu'on sait qu'on manque d'artisans. Je crois que les chiffres, c'est on manquerait de 240 000 personnes physiques sur les chantiers pour arriver aux objectifs de rénovation énergétique à 2050, les objectifs qu'ils ont. Ouais. C'est énorme. Et on voit bien, les artisans, ils croulent sous le boulot. Et du coup, ils bâclent aussi beaucoup. Il y a des problèmes après. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, parce que du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui bâclent et qui se retrouvent à devoir revenir sur les chantiers après, avec des interventions, des croisements avec d'autres lots. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, Lara, ça permettrait aussi, et de motiver les gens à devenir, à changer de boulot. Ça arrive assez fréquemment de changer de boulot pour carrément faire du bâtiment alors qu'ils sont dans toute autre chose. Le voisin de ma soeur, par exemple, c'est ce qu'il a fait quand il a changé de boulot. Ouais. Il était prof de maths. Et il a refait sa maison et il a fait jouer de maçon. Et en fait, maintenant, il fait de la charpente. Okay. Ma soeur, là, elle est aussi en train de faire de la charpente. Enfin, il y a et ce phénomène de gens qui vont se rediriger et aussi le fait que simplement, tu mets un ou deux gars sur un chantier au lieu de mettre 8. Ouais. Ok, ça prend plus de temps, mais finalement, ça va permettre de faire plus de chantiers à la fois. Ouais. Ce qui est aussi un peu dérangeant pour eux, parce que du coup, des petites entreprises peuvent se retrouver avec beaucoup de chantiers à la fois, et donc des calendriers, puis vous voyez les calendriers, comment ça se décale. Ouais. Ça peut être un peu galère pour eux à gérer au niveau du planning, mais par contre, c'est intéressant. Quoi. En tout cas, nous, c'est l'argument principal du charpentier, c'était « Moi, ça m'arrange, tout ce que vous faites, vous, j'ai pas à le faire à mes gars, ouais. Et du coup, je peux bosser ailleurs. » Ok. Donc, et du coup, cette question de la RA, peut-être que vous en avez déjà connaissance avant, le principe d'intégrer les équipes, est-ce que ça vous parle, vous, ou est-ce que pas forcément Donc l'idée, c'est d'avoir la décennale, d'avoir l'habilitation RGE. Par exemple, sur tous les lots MPR, vous auriez pu participer aux travaux. Et pas juste laisser faire par les entreprises. Après, il faut trouver les entreprises qui acceptent, qui ont cette habitude de travailler comme ça. C'est pas surtout. Moi, je ne savais pas que c'était possible. Moi, je croyais que presque le charpentier nous faisait une fleur dans l'illégalité en nous laissant bosser à la place de ces gars. Ouais. Moi, je savais que ça se faisait parce qu'il y avait l'habitat participatif Habitaire, là, du tonton de Mike, qui l'a fait. Il m'avait dit, il avait fait de l'accompagnement artisan. Mais je ne pensais pas que ça se faisait dans un cadre, on m'a dit que ça se faisait avec les compagnons bâtisseurs pour que ma prime rénov le valide. Mais ça avait l'air d'être une galère de mise en place. Je ne dis pas que c'est facile. Du coup, on n'est jamais parti là-dessus. Et pour moi, c'était plus un arrangement comme ça avec les artisans pour te faire payer moins cher et eux pour les arranger en termes d'avancée. Mais je ne savais pas qu'il y avait une structure... Mais d'ailleurs, je pense que ce que vous faites avec le charpentier, c'est, du coup, c'est pas de l'ARA parce que vous n'avez pas signé des marchés. Il faut des documents. Il y a un contrat parallèle au contrat marché d'artisans qui vous rend légal sur le chantier parce que sinon, un chantier, c'est interdit au public. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez dit qu'ils prenaient un risque sa responsabilité d'être prestataire sur le chantier. Si nous, on se blesse sur un truc où on est invité, lui, on est complètement la responsabilité. Okay. Alors que dans un marché ARA avec tous les documents, tu signes un truc et du coup, en fait, son assurance accepte de te sécuriser sur le chantier. Et c'est comme si tu étais un apprenti, en fait. C'est le même risque qu'ils prennent pour un intérimaire ou un apprenti qui débarque, qui n'a pas les connaissances, qui ne sait rien faire, pas plus que vous, peut-être même moins d'ailleurs, parce que vous, finalement, vous êtes bricoleur déjà de base. Donc, Mais oui, il y avait un article dans la maison écologique sur ça, sur l'accompagnement. D'une boîte où tu t'intègres leur équipe. Ouais. Mais après, je pense que ça reste moins rentable que de faire de l'autoconstruction. Il y a forcément moins d'économies parce qu'il y a quand même un gars qui est toujours là, il y a quand même des assurances à payer, il y a quand même des petits trucs en plus. Quoi. Parce que lui, il va faire une. On n'arriverait pas à faire tout seul, en fait. C'est là où tu vas chercher la compétence de l'entreprise et en limitant les coûts, en les accompagnant. Quoi. J'ai l'impression qu'on avance bien. Je vais faire un petit point sur mes questions parce que on a abordé pas mal de choses. Je reviens sur en termes d'informations qu'on allait chercher ou de compétences que tu veux avoir avant de te lancer toi-même. Il y a aussi des chantiers participatifs auxquels on a pu participer. Genre, je pense à Clem, celui que tu avais fait en chantier Païter, là où j'en avais fait quelques-uns aussi, via Twiza, Oikos, Alion, connais aussi, tu vois. Bah, eux, c'est vraiment les gros, quand on est bâtisseur, Oikos, Twiza, c'est les gros, et les Castors, c'est les gros autoconstructeurs historiques, quoi. Mm. Ah oui, les Castors aussi. Puis on a un coin où il y a Aplon, qui est une école de maçonnerie. Enfin, de bâtiments plus largement, mais je crois que c'est pas... Éco-construction, Ils font de la charpente. On l'a global. Ils font... Ah oui, ouais, t'as raison. Donc, oui, parce que Dimitri et tout. Il y a énormément de gens qui sont restés dans le coin, qui ont fait cette école. Par exemple, Fanette, elle a deux collègues au moins qui ont fait à fond, je crois. Et en fait, on a rencontré on a pas mal de gens qui ont fait à plomb, et notamment un couple de potes qui sont très chauds en Angleterre, enfin dans ce métier maintenant. Angleterre, c'est hyper commun. Et du coup, qui nous ont accompagnés sur la mise en place, enfin sur quand on a fait nos Angleterres, qui ont nous accompagné sur même en définition et tout. Et du coup, bon, ça a été un soutien de plus parmi le plus local, on va dire, par rapport au territoire. Parmi tous les autres familiaux et amicaux historiques. L'information sur l'éco-construction à Saint-Marcin est particulièrement facile à accéder. Quoi. C'est clair. Il y a énormément de gens qui bossent dedans. On est allé rencontrer des gens d'Alton, il y a beaucoup de monde qui... L'environnement est dans l'éco-construction. Ouais, ça ne m'étonne pas, ouais. La région environnante, ils ont fait des études sur la Rara particulièrement. Mais après, il n'y a pas que cette région-là. En Bretagne, c'est aussi assez commun. Ouais. En Occitanie, il y a beaucoup... Enfin, moi, j'ai fait une formation là, il y a quelques temps. C'était vers Toulouse. Et toute la région Occitanie, globalement, ils sont très chauds. Oui, il y a des pôles comme ça. Oui, il y a des pôles un peu... Mais là, très localement, c'est assez prononcé. Okay, de façon, vraiment autour de ça. C'est bon, ça va. On prend mieux dans un sens. Et gros poste qu'on n'a pas du tout abordé, l'archi, la légitimité de l'archi. Globalement, vous, c'est quoi l'image que vous aviez de l'archi avant de commencer, déjà, pour commencer Bah, le type qui prend 10% à la fin. Hein. Ouais, c'est 10%, c'est 10%. Donc clairement, c'est... pour moi, il y a trois visions possibles. C'est soit une sorte d'intermédiaire... parasite qui effectivement prend de l'argent mais qui en apporte pas. T'as celui qui pense que l'archi il a une expertise qui vaut le coup d'être payé mais ça te coûte ça te coûte de l'argent. Et puis t'as la vision de l'archi qui te fait faire des économies parce que son travail c'est aussi d'éviter les aléas, de te faire aller plus vite. Je sais pas combien vous payez par exemple vos loyers des trois maisons. À voir quoi, à quel point le chantier peut être compacté, tous les frais qui sont annexes, et à quel point vous êtes lucide sur les prix du marché et savoir repérer un devis où le mec explose ou non. Quoi. Donc il y a plusieurs visions. Vous, en plus vous êtes 8, j'imagine que les visions ne sont pas toutes communes, mais au moment de commencer, à quel moment vous êtes dit on va faire appel à un archi pour cette partie-là de la mission et puis l'arrêter et puis éventuellement la reprendre quoi. Nous, dès le début, on a voulu faire appel à un archi pour toute la phase de dessin. En fait, on avait vraiment face à l'ampleur du bâtiment on souhaitait dès le début qu'il y ait quelqu'un qui nous guide sur comment bien exploiter les espaces de manière commune. Et de manière individuelle, c'était quelque chose, enfin j'ai l'impression, peut-être que je me trompe dans mes souvenirs, mais moi je me souviens de me dire, moi j'aimerais bien avoir cette grande pièce, après c'est vraiment au boulot de l'archi de trouver la bonne manière d'exploiter cette pièce pour que ça fasse sens, pour que ça devienne une chambre, bureau, salle de bain, salon, enfin tu vois, d'exploiter correctement ça. Il me semble qu'on s'est vraiment dit ça qui pourrait nous aider à bien concevoir, à bien partir propre quoi. Et pourtant tu disais au début qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'aménagement parce qu'il y a des grandes pièces avec peu de fenêtres. Ouais, mais du coup c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités qu'il fallait arriver à bien travailler quoi, tu vois. Moi j'ai quand même souvenir qu'il y a aussi un côté enveloppe budgétaire globale et un peu répartition d'avoir des ordres de grandeur sur un estimatif qu'on avait initialement qui a été fait par un autre archi mais qui était hyper généraliste pas forcément adapté à ce qu'on voulait faire et d'avoir vraiment quelque chose qui nous donne des indications sur les ordres de grandeur parce que comme on n'est pas du métier il y a tellement de choses ça peut être simple double très facilement Et même pour les archis, surtout sur de l'ancien, il y a des trucs que tu ne peux pas vraiment voir en amont. C'était notre première vision de comment ça peut se répartir et quels seraient les ordres de grandeur. Ouais, partir sur de bonnes bases en fait, moi je dirais. C'est vraiment d'avoir un sachant qui te met sur les bons rails avec une bonne logique et du coup avec un, une bonne projection de chiffrage. Ça, c'était un peu les points maîtres. Et en plus, on pensait qu'il allait falloir monter un dossier compliqué pour l'architecte des bâtiments de France. Donc, à la base, ça devait être l'archi qui devait le faire. Moi, je me disais qu'on n'allait pas arriver à le faire le truc comme il faut. Mais bon, finalement, c'était parce que la DP, c'est vous qui l'avez faite. Ouais. Ah oui. Ouais, on l'a dessin rempli, mais c'est l'archi qui avait fait les dessins. Il avait fait les dessins. Ouais. Ok. Donc ouais, c'était de pouvoir avoir une façade projetée avec les. Enfin, ouais, c'était bien préparer notre dossier pour que ça se valide avec l'architecte des bâtiments en France. Ça, on n'aurait pas été capable de le faire. Donc la phase conception avant le pro, quoi, globalement. Ouais, c'est ça. Aux études d'urbanisme, tu lâches le. C'est ce que vous avez fait. Donc, ouais, c'est ce qu'on a fait. On a fait la PD, enfin la PS. Ouais. Et du coup, c'était comment Ouais, je voulais juste dire que pour moi, l'archi, c'était obligatoire parce que c'est le type qui va te faire tes dessins, tes plans, qui va être un peu genre la notice à suivre pour toi ou pour solliciter d'autres artisans à qui tu vas donner cette notice-là, quoi. Et sans laquelle, c'est tes plans, quoi, en fait, qui sont obligatoires. Ouais. Ouais, mais moi je me demande vraiment à quel point on est dans l'anarchie. Parce que, en fait, quand je vois aujourd'hui, mais peut-être j'ai pas une vision juste du truc, mais moi je trouve que ces dessins ils n'ont pas servi à grand chose en termes d'agencement des espaces intérieurs. Et parce qu'on a beaucoup. En fait, on avait décidé des espaces avant de le donner à l'archi. C'est pas lui qui nous a dit je vois bien ça ici, ça ici. On avait dit là on veut un salon, une salle à manger, une cuisine en fonction de la terrasse. Et ça c'était figé. C'était pas mal figé, en tout cas c'était. Après il a fait des propositions et tout en fonction d'eux, mais la répartition elle est faite avant de contacter l'archi. Et pour moi c'est genre le travail du BE sur il faut mettre 30 de laine de. Enfin 14 de laine de bois là et tout, ça c'est le truc. Je peux pas le faire. Enfin, pour moi, c'est archi indispensable sur le travail de l'humidité, sur tous ces trucs-là. Mais c'est la technique plus que la conception. En fait, moi, au début, quand on a pris un archi, je pensais qu'on allait avoir, tu mets tes interrupteurs là pour avoir telle lumière et tout. En fait, on n'avait pas pris jusque-là de la presta. Faire le pro et nous, on n'avait pas fait ça. Mais enfin, en n'y connaissant rien, tu vois, c'est l'image que j'en avais. Et au final, on fait beaucoup de nous-mêmes ces trucs-là, quoi. Enfin, tu vois, on a dessiné chacun son élec, et puis il y a le regard J, il y a le regard des potes artisans qui disent ça c'est con, ça c'est pas con, etc. Mais les réseaux, c'est Dave et potes plombiers qui se sont collés. Pour moi, l'image de l'archi, c'était ça. C'était il nous fait tous nos réseaux, c'est impossible à penser seul. Il nous fait tous nos trucs, etc. Et j'ai l'impression que pas tant que ça au final. On a arrêté ça. Ouais, c'est ça. Tout ce que t'attendais de l'archi, c'était la phase détail. En fait, c'est que pour moi, c'était indispensable pour ça. Ouais. Et en fait, pour ce qu'il a fait, avoir un dessin nickel à fournir, mais en fait, le géomètre, il peut te le faire, le dessin de toutes les pièces avec toutes les fenêtres qui font pile la bonne taille et tout. Et après, tu dessines par-dessus. Gilles a pris en main le logiciel de son frère et en fait, il a commencé parce que. Sacha, sa prestation, elle s'arrêtait. On a rebougé des trucs après. Donc, tu vois, Gilles l'a fait lui-même. Enfin, tu vois, moi, mon regard aujourd'hui, c'est que c'était très cool de travailler avec lui. Et en effet, ça nous a lancé et ça aurait été flippant de le faire sans. Mais j'y vois pas une nécessité aussi forte qu'au début. Et que même l'apport du BE fluide ou l'apport des maçons et des charpentiers. Si aujourd'hui, je me dis pas, on peut faire un toit droit ou on peut faire une ouverture dans un ménage. Ouais, il y a quand même un truc, c'est que effectivement la prestation elle est pas complète et du coup, dans la logique des choses, en fait les plans, c'est ce que tu donnes aux artisans et t'es pas derrière eux ou tu peux pas leur donner des indications à l'oral ou des trucs comme ça et du coup ils suivent les plans. Nous au final, comme on fait notre élève, comme on fait nos machins, il y a énormément de choses qu'on a dans la tête, on les dessine à l'arrache, on met pas de dimension parce qu'on a la possibilité de se reposer des questions ou prendre les infos en direct. Mais quand tu as un artisan qui est parachuté sur le chantier, qui n'a personne en interlocution, du coup, il suit les plans. Et s'il y a pas ces plans... Ah, mais le rôle d'un archi, d'une manière générale, je n'en mets pas en question, c'est le rôle d'un archi dans notre projet. Ouais, c'est finalement, c'est au côté indispensable. A posteriori, je me dis, pas tant. vu que c'est J qui a posé la DP, vu que tu vois, on aurait, pour moi, on aurait pu faire avec un géomètre, un BE, et quelque part, c'est tout. Et que le BE, ouais, tu peux pas refaire le boulot du BE et tu peux pas faire le boulot du géomètre, mais par contre, tu peux supplanter le boulot de l'archi. Enfin, moi je trouve pas, je trouve que moi c'était nécessaire d'avoir cette phase d'avant-projet où tu fixes la direction de manière stable et enfin de la manière sereine, quoi. C'est là où il a été important. Ouais. C'est on pose un cadre, alors après qu'on va adapter à gauche à droite, mais c'est poser un cadre qui est faisable, qui rentre dans un budget et qui va. Franchement, moi j'ai l'impression de m'être appuyé sur l'archi pour discuter avec le BE. Tu vois, je sais pas si on aurait eu les mêmes questions à poser et du coup les mêmes réponses avec le BE que s'il n'y avait pas eu l'archi, tu vois. En fait, c'est le fait d'être à 3 et d'avoir l'archi en tant que sachant qui pouvait un peu. Qui pouvait arriver à structurer le truc, quoi. Et je viens à la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu aurais été capable de poser la DP s'il n'y avait pas eu la prestation archi ? Bah non. Ouais. Il aurait fallu dessiner toute la. En fait, et je pense que ce qui était important, c'était que nous, on avait envie d'aller assez vite. Et on n'aurait pas pu se lancer dans le chantier aussi vite s'il avait fallu faire tout ce travail tout seul. Enfin, tout le travail de l'archi tout seul. Ok. Mais, Ouais, c'est un côté hyper rassurant. Non, mais c'est que tu as attaqué sur le dessin, et moi j'avoue que le dessin de l'archi, je trouve qu'il n'a pas apporté grand chose. Mais pas rien non plus, hein, mais c'est juste. Je remets pas en cause la qualité de sa prestation parce que j'ai trouvé le gars très bien, très adapté à notre projet et il a très bien compris nos attentes et je pense qu'il a fait le diagnostic du bâtiment, voilà, c'était intéressant, le chiffrage du projet au global c'était intéressant et tout. C'est plus sur le caractère indispensable que je voulais remettre le truc, mais je pense que ça a été très rassurant et une base, en effet, c'est très bien qu'on soit passé par un archi et je pense que c'était la bonne taille de sa prestation. C'est plus qu'entre la vision que j'en avais avant et la vision que j'en avais après, au début je me disais mais sans l'archi on est mort patate, on fait rien et tout. Aujourd'hui, si on devait y retourner avec le niveau de connaissance actuel, je me poserais la question d'en prendre un. Alors qu'avant c'était impensable de s'en prendre. Mais je me poserais pas la question pour les maçons pour faire l'ouverture. Tu vois, faut reprendre des maçons, tu vois. Mais tu vois, pour moi, on avait besoin de son statut de sachant pour pouvoir faire avancer les choses. Ouais. Parce que quand on discutait à lui de comment on fait ici, comment on fait ça, au final, c'était on sait pas, on va voir, on en reparle à Sacha, on regarde. Et du coup, en fait, ça évite de se poser la question pendant 1000 ans, à essayer de tout choisir tout le temps, quoi. Tu vois. J'ai pas tout à fait le même regard que moi. Je suis beaucoup plus convaincu de sa nécessité, et même avec l'expérience qu'on a, je suis absolument pas convaincu qu'on pourrait s'en passer. S'en passer, c'est pas vraiment possible déjà, des fois. Ne serait-ce que là, vous êtes dans un cadre où c'est. Vous n'avez pas l'obligation de reprendre l'archi déjà. Donc, sur de la construction pure et dure, complètement. Et chaque projet est tellement différent que tu ne peux pas te dire vous n'allez pas refaire un autre château de Saint-Marcelin en 10 ans. Donc un projet sera forcément différent, donc ce sera peut-être d'autres techniques constructives, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas si la question se pose vraiment comme ça. Mais... Non, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il n'y avait pas tant un problème pour avoir des idées. Mais on avait plus un besoin de regard extérieur, en fait, même sur nos idées, même sur. Au final, il y a des choses. Il a suggéré, on a fait un petit peu plus à notre idée, mais même si ce n'était pas sa proposition de base, il avait au moins un retour sur ce que nous on voulait faire en disant bah, ça coûtera plus, ça sera machin et tout. Il y a quand même un regard extérieur. Et je pense que c'est surtout ce regard extérieur dont on a eu besoin aussi. Ok. Oui, je pense face à l'ampleur du projet, de se rassurer sur le fait que ce ne soit pas un projet trop démesuré. sur la tête d'un guidon, quoi. Mmh. C'est hyper important, quel que soit ton niveau de compétence, en fait, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui te... Qui arbitre un peu... Même qui a juste un regard qui n'est qui est pas autant à l'intérieur, quoi. Mmh. Ok, cool. C'est dense, c'est bien. Ouais, mais c'est un, enfin, je rebondis là-dessus, mais c'est un truc qu'on a, qu'on n'a jamais appliqué, par exemple, sur notre groupe. Enfin, on l'a fait une fois avec une accompagnatrice sur la question de, d'accompagner un groupe qui se monte en habitat. Et, là, tu vois, sur l'archi, il y a un côté où je pense que parce que dans notre tête, c'est quelque chose d'obli... Enfin, de très essentiel que on s'est tourné automatiquement vers un archi sans se poser de questions, encore une fois avec tous les bienfaits que ça a eu, mais sur tu vois, sur l'accompagnement humain d'un groupe, qui est quelque chose qui est la raison numéro un pour lequel les collectifs se séparent. Mmh. Tu pourrais te dire la même chose et on se l'est pas dit et on a fait l'impasse sur parce que financièrement on s'est dit ça nous coûte trop cher et on peut s'en sortir sans, tu vois. Du coup, c'est pour ça que c'est... Enfin, je trouve que c'est le tête dans le guidon, là, pour plein d'aspects. Et là, pour l'archi, on s'est, pas, on s'est dit, on y va. Et puis, parce qu'il y avait cette histoire permis de construire qui disait que ça nous obligeait aussi à... Mais pas que, en fait. Je suis en train de repenser au fait qu'on avait besoin de l'archi pour avoir de la, une stature auprès de la mairie avant de signer le bail. Oui, mais on avait chaud, ça. Oui, mais du coup, en fait, on a, ils nous ont aussi... presque obligé à avoir en fait ils nous faisaient pas confiance et du coup ils avaient besoin d'avoir un architecte en phase 2 qui dise le projet est faisable et on va le faire de telle manière, quoi, en gros, qui soit un peu le garant de la faisabilité, ouais, du projet, quoi, tu vois. Et du coup au début on avait Jo, mais je pense que, enfin, du coup dans tous les cas il nous fallait un architecte dès le début pour le présenter à la mairie, et en fait on a mis le doigt dans là-dedans, qui fait que à ce moment-là on avait besoin d'un archi, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Non mais c'est clair. Donc le fait d'avoir arrêté pour le pro ou en tout cas pour la PD, on va dire, ouais, mais en faisant quand même les dessins par les dessins, enfin en gros c'est les dessins de la PS que vous étiez pour la DP, il y a quand même des documents en plus. Ouais, non, en fait il y a que dalle, parce que c'est que la façade projetée qu'on a donnée. En fait, nous, pour la DP, il n'y avait pas une insertion, il n'y avait pas... On a le dessin de la façade précédent et le dessin de la façade projetée. C'est tout. Et un plan masse, des photos, un plan de masse, des photos, des indications des photos, oui, sur l'ordi. Pas d'insertion, j'ai fait un pauvre Photoshop pour la cheminée dans l'atelier. Et c'est tout, quoi. Je sais plus où je voulais venir. Juste pour revenir là-dessus, je pense que, enfin, moi dans ma tête par exemple, on n'est pas allé plus loin sur l'archi dans la prestation et tout, parce que J se sentait capable de porter le chantier aussi. C'était l'envie de s'approprier le chantier, ouais, de faire l'expérimenter le chantier. Ouais, en fait, on s'est dit, si on se lance dans une réno, moi j'ai dit, on a fait le tour un peu de qui a envie de faire quoi dans une réno, quoi. Et globalement, on était tous les quatre chauds de se lancer dans une réno. Nate aussi, peut-être un petit peu moindre mesure. Tété, il a dit moi 6 mois max. Fanette, elle était chaude et Juju pas chaude. Mmh. En termes de juste de travail pur. Mmh. Et après, moi je l'avais dit, par contre, moi je suis chaude, je suis pas chaude de prendre la charge mentale, de prendre de charge mentale sur le chantier, je m'en sens pas capable. Et J avait dit, moi je suis chaude de porter un chantier de réno comme ça, quoi. Et du coup, après, il y avait eu la commission travaux où Z et Dave aussi avaient envie de porter des sujets. Avec pas forcément la même responsabilité, ou en tout cas vision d'ensemble que j'y pouvais avoir. Mais ça, c'est, enfin, pour beaucoup d'entre nous, je pense au moins 5 ou 6 du groupe, je peux parler pour les 5 ou 6 qui ont dans ce cas-là, parce que Jules s'en sentait capable, avait une expérience familiale qui faisait en sorte que, etc., on s'est aussi laissé porter par ce truc-là. Moi, tu me mets avec que des gens de mon niveau. Je prends une prestation d'archi qui me place mes prises et qui fait un pro, quoi, tu vois, parce que je me sens en plus pas... le pro c'est un peu le plus cher du... Ouais, ouais. Pas forcément le suivi, enfin, mais même si, même le suivi artisan, même, tu vois, genre, en tout cas... Ça peut être aussi cher, ça, mais globalement, le ouais, pro, ouais. Le en pro, tout cas, je vais sur une prestation complète, tu vois, parce que je me dis, je suis incapable de tracer un réseau des bacs, etc. Et ça, c'est parce que on avait une partie de la ressource en interne qu'on a pu c'est dans ce... Je pense que c'est important dans la vision, parce que là, tu discutes avec les personnes qui sont le plus chaudes du chantier, mais en fait, les autres, il y avait ce truc de... on délègue toute compétence de même jusqu'où on prend l'archi et tout, à globalement J, oui, plus large que ça, tu vois. Moi, c'est justement vos profils qui m'intéressent, parce que c'est les profils autoconstructeurs. Oui. C'est pas Juju, si elle avait eu un projet... bien sûr, elle aurait tout fait. Effectivement, elle bosse, oui, elle est capable de payer quelqu'un. Qu'il y a plein de variantes, enfin, tu vois, qu'il y a plein de niveaux de connaissances différents dans les profils autoconstructeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il suffit qu'il y en ait un qui soit OK pour porter la charge mentale de, on va dire, l'autoconception, dans un sens, que du coup, ben, l'ensemble du groupe peut se permettre, avec quelques appuis, on va dire, l'ensemble du groupe peut se permettre... En fait, c'est vraiment cette logique de personne centrale qui prendra à la fois la charge technique, mais aussi organisationnelle, logistique, temporelle. Jim prend beaucoup plus que la technique, en fait. C'est le PC aussi. Il y a vraiment une vision globale du chantier, de son univers, vraiment. Nous, ce qu'on apporte en support, c'est des supports sur des trucs localisés, quoi. Enfin, moi, c'est le réseau, Z, c'est de la charpente, de la structure, des trucs comme ça. Mais à aucun moment, on a un partage de la charge mentale, de la vision hyper long terme, la vision budget. Enfin, il y a des échanges et des partages localisés, mais en tout cas, c'est J qui centralise vraiment toutes les infos sur tous ces sujets, quoi. Ok. Pour moi, une personne qui se sent capable d'avoir tout ce flot d'informations à la fois. C'est intéressant, quoi. Pour le coup, on aurait une logique où quelqu'un se sent de gérer intégralement le planning, quelqu'un se sent intégralement de gérer le budget, mais qu'à chaque fois, ça aurait été un truc où il n'y a pas de centralisation vraiment dans une tête. Je pense qu'il n'y aura pas eu autant de cohésion dans la logique des choses, en fait. Et de rapidité, parce qu'on a une logique de rapidité de ouf par rapport à d'autres chantiers. Enfin, on s'en rend compte maintenant, mais nous, on avance quand même très, très, très vite. La meuf qui nous avait accompagné en tant que projet, elle nous l'a dit. Quand tu vois les autres rénaux à côté, c'est pareil. Ah, oui. Ouais, enfin, on est quand même des gros bourrins dans la façon dont on... Dans l'exécution ou dans l'organisation? Non, l'organisation, la prise de décision. Enfin, tu vois, on est en mode, on a envie de plus payer de loc et d'éviter le loyer, le logement le plus vite possible. Et même par rapport au sub, par rapport, tu vois, aux institutions, que ce soit mairie, etc. Je pense que entre le moment où on s'est lancé en tant que volonté d'acheter et le moment où on va habiter, il y aura eu un temps que peu d'habitats, que peu de groupes sur une telle surface en auto-réno sont capables de mener, quoi, vraiment, avec ses défauts et ses qualités, hein. Ouais. Mais ce truc là il fait que d'avoir le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, parce que vous étiez déjà bien soudés avant même de commencer le projet, vous avez déjà une logique de gestion de projet ensemble et ça. Et puis je pense, je sais pas, il y a une parce que j'y mets un gros rythme aussi, parce que t'as tendance à vouloir faire les choses, enfin voilà, avancer à fond et tout, parce que je pense que on n'a pas, enfin il y a des situations personnelles financières qui font qu'on n'a pas envie que la réno elle traîne, parce que, enfin tu vois, mais après voilà, on voulait se barrer le plus vite possible de la frieux, parce qu'on voulait se barrer le plus vite possible de la frieux, parce qu'il y avait plein de situations qui étaient désagréables à ce moment-là pour plein de gens. On a signé le 2 juillet, on avait déjà emménagé depuis deux semaines, et on a le 3, on était sur le chantier alors que c'était les études n'étaient pas finies, quoi. Ouais. Tu vois. Tu vois, on avait lancé les études qu'on n'avait pas signées encore avec la mairie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, genre les subs, ils hallucinent de dans quel ordre on fait les choses. Enfin, tu vois, tout le monde hallucine dans quel ordre on fait les choses. Qui vient deux fois successivement, quel que soit l'écart, va halluciner sur ce qu'on a fait sur cette période, quoi. Ouais, on trace en fait au plus vite possible, on prend un raccourci, quoi. Là, sur les estimations, si vous avez fait des estimatives, j'imagine régulièrement, même avant. Enfin, ça a été quoi un peu les temporalités sur le global du chantier, on va dire, au moment où vous avez commencé le projet, enfin, au moment où vous avez commencé à chercher, au moment où vous avez commencé la conception et au moment où vous avez commencé le chantier? En gros, c'était quasiment tout en même temps, et on s'était donné entre 18 mois et 2 ans. Okay. Entre 18 et 24 mois pour emménager, quoi. Ça, c'est côté chantier, ouais. Côté chantier. Ouais, il y a eu peut-être un an avant la signature, vraiment travaillé sur le projet de Savart. Ouais. Et encore un an avant la mise en place vraiment du projet dans la vie de groupe, dans la vie collective, les envies, les machins et tout. Parce qu'on a commencé en mai de, il y a 2023. On a fait la première visite mars-avril de l'année suivante et on a signé en juin de l'année encore. Donc ça colle avec ce que vous aviez... Non, 2022. On a commencé à se réunir au printemps 2022. Avril 2022. On a fait des premières visites pas très longtemps après. Mmh. Et on a trouvé... eux, ils sont allés à Saint-Mars pour la première fois en mars 2023, je crois. Mars-avril. Ouais, mars-avril 2023. On a signé en juillet 2024 avec la mairie. Donc il y a eu un an de négo et montage de projet. Ouais, et on s'est donné... J ambitieux, c'était fin 2025 et on sera peut-être plus sur été 2026, ouais, printemps 2026. Quoi. Finalement, vous avez un an de un an et demi peut-être. Vous n'avez pas prévu un an de négo, j'imagine, au moment de faire de vos recherches, vous n'avez pas prévu un an de négo, peut-être. Globalement, vous avez pris un an et demi dans les dents, je dirais. Moins que ça. Parce que en avril, disons début avril, on se rend compte que ça va être, enfin, que ça peut être la bonne maison. Là, ça nous prend aller jusqu'à l'été pour être sûr qu'on veuille cette maison, oui. À peu près, en gros. Et nous, on pensait qu'en septembre, début septembre, on allait signer. Et en fait, sur là, à partir de début septembre, il y a eu 5 mois de négo. Et ça, c'est clairement dans la vue, les 5 mois de négo. Et pendant ces 5 mois de négo, nous, on bossait. Oui, sur l'étude du projet. Merci. C'est pour ça aussi qu'on est allé vite, c'est que les mois de négo, on les a utilisés en temps d'étude. Et donc du coup, au moment où on signe, en fait, on a déjà fait une bonne partie pour éviter de perdre du temps à juste attendre que ce soit OK, bah, on se disait, bah, vas-y, on avance sur ce projet-là. Quoi. Donc, et ouais, tout début, ouais, si, moi je disais ça, ouais, moi je disais fin 2025, je disais 18 mois en gros, je disais 18 mois, et on va faire 20 mois, 24 mois peut-être, entre 18 et 24, quoi. Super. Là, ça fait une heure, j'ai l'impression qu'on a pas mal abordé de temps, moi je suis satisfait, mais... Ouais. Si, voilà, oh merci, quoi. Bah, plaisir.